Madame Arnoux avait le coude sur le comptoir et roulait une plume entre ses doigts, tranquillement, quand le teneur de livres ouvrit la portière. « Madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Le service, n'est-ce pas, sera prêt. Je puis compter dessus. » Elle ne répondit rien. Mais cette complicité silencieuse enflamma son visage de toutes les rougeurs de l'adultère. Le lendemain, il retourna chez elle, on le reçut. Et, afin de poursuivre ses avantages, immédiatement, sans préambule, Frédéric commença par se justifier de la rencontre au Champ de Mars. Le hasard seul l'avait fait se trouver avec cette femme, en admettant qu'elle fût jolie, ce qui n'était pas vrai. Comment pourrait-elle arrêter sa pensée, même une minute, puisqu'il en aimait une autre ? Vous le savez bien, je vous l'ai dit. Madame Arnoux baissa la tête. Je suis fâché que vous me l'ayez dit. Pourquoi ? Les convenances les plus simples exigent maintenant que je ne vous revoie plus. Il protesta de l'innocence de son amour. Le passé devait lui répondre de l'avenir. Il s'était promis à lui-même de ne pas troubler son existence, de ne pas l'étourdir de ses plaintes. Mais hier, mon cœur débordait. Nous ne devons plus songer à ce moment-là, mon ami. Cependant, où serait le mal quand deux pauvres êtres confondraient leur tristesse? Car vous n'êtes pas heureuse non plus. Oh, je vous connais. Vous n'avez personne qui réponde à vos besoins d'affection, de dévouement. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne vous offenserai pas, je vous le jure. » Il se laissa tomber sur les genoux, malgré lui, s'affaissant sous un poids intérieur trop lourd. « Levez-vous, dit-elle, je le veux. » Elle lui déclara impérieusement que s'il n'obéissait pas, il ne la reverrait jamais. « Ah, je vous en défie bien, reprit Frédéric. Qu'est-ce que j'ai à faire dans le monde? Les autres s'évertuent pour la richesse, la célébrité, le pouvoir. Moi, je n'ai pas d'état. Vous êtes mon occupation exclusive, toute ma fortune, le but, le centre de mon existence, de mes pensées. Je ne peux pas plus vivre sans vous que sans l'air du ciel. Est-ce que vous ne sentez pas l'aspiration de mon âme monter vers la vôtre, et qu'elles doivent se confondre, et que j'en meure ? » Madame Arnoux se mit à trembler tous ses membres. « Oh, allez-vous-en, je vous en prie. » L'expression bouleversée de sa figure l'arrêta. Puis il fit un pas. Mais elle se reculait, en joignant les deux mains. « Laissez-moi, au nom du ciel, de grâce !» Et Frédéric l'aimait tellement qu'il sortit. Bientôt, il fut pris de colère contre lui-même, se déclara un imbécile, et, 24 heures après, il revint. Madame n'y était pas. Il resta sur le palier, étourdi de fureur et d'indignation. Arnoux parut et lui apprit que sa femme, le matin même, était partie s'installer dans une petite maison de campagne qu'il louait à Auteuil. C'est encore une de ses lubies, enfin, puisque ça l'arrange. Et moi aussi, du reste. Tant mieux. Dînons-nous ensemble ce soir ? Frédéric allégua une affaire urgente, puis courut à Auteuil. Madame Arnoux laissa échapper un cri de joie. Alors, toute sa rancune s'évanouit. Il ne parla point de son amour. Pour lui inspirer plus de confiance, il exigera même sa réserve. Et, lorsqu'il demanda s'il pouvait revenir, elle répondit, mais sans doute, en offrant sa main, qu'elle retira presque aussitôt. Frédéric, dès lors, multiplia ses visites.